Ok. 1. Voilà du ventre de ma mère, je suis sorti. Sans savoir, j'suis tombé dans une mif sortie. Pour qu'avec eux, j'sois sorti. Ils ont voulu m'appeler Anakin. Brandon, John Ross, Bruce Lee. Finalement, c'était AZERTY. C'était facile, cyclique, l'un à la suite de l'autre. J'suis dans une famille de geeks, mais y'a pas d'intello. J'ai grandi entre les figurines encore emballées. Les jeux trolls débiles avec plein de tarés. Mon père avait vraiment un look qui faisait peur. Une terrible coupe de cheveux à la Mike Ever. Ma mère mettait des t-shirts noirs avec un loup sur une colline. Et moi j'avais une petite queue de rat parce qu'elle trouvait ça joli. Et puis mon père jouait au poker mais aux cartes Magic. Ma mère est abonnée au Warhammer Magazine. Mes parents font pas l'amour mais les parties en réseau. Les vacances sont pas trop pour faire les jeux vidéo. Ils pensaient me donner un place futuriste en pensant que je deviendrais un futur geek. On est des cassos, crades, ouais je t'ai averti. Je me présente le plat, moi c'est AZERTY. Ils pensaient me donner un place futuriste en pensant que je deviendrais un futur geek. On est des cassos, crades, ouais je t'ai averti. Je me présente le plat, moi c'est AZERTY. Tous les jours on graille des frites, 7/7. Du coup mon front est devenu une calculette. Ma mère chante du Johnny à tue-tête. Et puis quand elle a fini, le bras elle prend le relais. Mes codes vestimentaires sont le Marcel, le training. Le rêve ouais, de mon père est une voiture de tuning. Ma mère me surnomme mon petit rat, mon petit troll. Et mon père c'est devant des mangas de boules, ouais qui se tripote. Puis dans la maison on a toutes les consoles de jeux. Mes darons ramènent toutes sortes de potes dégueux, jouent aux jeux drôles. Sont dedans c'est pas drôle. Pour eux la cuisine est devenue un royaume. Voilà t'as vu l'ampleur de ma famille de vainqueurs. Faut pas en avoir peur, elle attire les moqueurs. On est des cassos, crades, ouais j't'ai averti. J'me présente le zeblat, moi c'est AZERTY. Ils pensaient me donner un place futuriste en pensant que j'deviendrais un futur geek. On est des cassos, crades, ouais j't'ai averti. J'me présente le zeblat, moi c'est AZERTY. Ils pensaient me donner un place futuriste en pensant que je deviendrais un futur geek. On est des cassos, crades, ouais je t'ai averti. Je me présente le zebla, moi c'est AZERTY. Moi c'est AZERTY.